Il se souvient. Capitaine de Flux. Présent. Tu t'es jeté devant tes hommes pour les empêcher de détruire les dernières forces autrichiennes. Est-ce vrai? C'est vrai. Tu connaissais les ordres. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Après, ça me part. Tous les Suisses ont juré de ne jamais forcer à main armée un lieu consacré par l'Église. À Dieu ne plaise que je trahisse jamais le pacte. À la guerre comme à la guerre. Si tu veux la justice, ne te mêle plus de la guerre. Bien. Je quitterai l'armée. Je quitterai votre guerre injuste. Et jamais plus je ne prendrai les armes. Revoit maintenant le tribunal de son village. On y condamne un innocent accusé par un riche, malgré l'avis de Nicolas, l'un des cinq juges. Écoutez-moi ! La voix du pauvre est étouffée. Ce sont des démons, et non des hommes, qui ont rendu cette sentence inique. Je les ai vus ! L'autorité a toujours raison. Bien. Je m'en irai loin de vous, dans le désert, car je ne vois dans notre cité que violence et iniquité.